FrenchPod.com. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le président. Je vois pas. Ah, c'est dommage. Il est avec sa femme.